2. Entraînement à l'examen. 1. Les voyages et les loisirs. Activité 1. Compréhension orale. Première écoute. C'était devenu un enfer. 20 minutes avant d'arriver dans mon immeuble, je commençais à y penser. J'avais le cœur qui battait très fort. Je transpirais, j'avais du mal à respirer. Et en même temps, je me trouvais ridicule. Je me disais, si les copains de mon lycée me voyaient, ils se moqueraient de moi. Alors je faisais un effort, j'appuyais sur le bouton de l'ascenseur. Mais je finissais toujours par grimper les 5 étages à pied, même si mon cartable était lourd. C'était affreux. Je ne supportais absolument pas l'idée d'être enfermé dans ce truc. C'était pareil. J'avais peur de prendre l'avion. Alors les voyages au loin, c'était pas possible. Et c'était pas drôle, ni pour moi, ni pour la famille. Et puis un beau jour, j'ai décidé que ça devait pouvoir se soigner, cette phobie. Ça a pris plusieurs mois, mais avec l'aide d'un thérapeute, j'ai réussi à vaincre mes angoisses. La semaine prochaine, nous allons faire un grand voyage en famille. Mes parents m'emmènent en Russie et je suis fou de joie. Deuxième écoute. C'était devenu un enfer. 20 minutes avant d'arriver dans mon immeuble, je commençais à y penser. J'avais le cœur qui battait très fort. Je transpirais, j'avais du mal à respirer. Et en même temps, je me trouvais ridicule. Je me disais, si les copains de mon lycée me voyaient, ils se moqueraient de moi. Alors je faisais un effort, j'appuyais sur le bouton de l'ascenseur. Mais je finissais toujours par grimper les 5 étages à pied, même si mon cartable était lourd. C'était affreux. Je ne supportais absolument pas l'idée d'être enfermé dans ce truc. C'était pareil. J'avais peur de prendre l'avion. Alors les voyages au loin, c'était pas possible. Et c'était pas drôle, ni pour moi, ni pour la famille. Et puis un beau jour, j'ai décidé que ça devait pouvoir se soigner, cette phobie. Ça a pris plusieurs mois, mais avec l'aide d'un thérapeute, j'ai réussi à vaincre mes angoisses. La semaine prochaine, nous allons faire un grand voyage en famille. Mes parents m'emmènent en Russie et je suis fou de joie.